50. Les bons chiens. À Monsieur Joseph Stevens. Je n'ai jamais rougi, même devant les jeunes écrivains de mon siècle, de mon admiration pour Buffon. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'âme de ce peintre de la nature pompeuse que j'appellerai à mon aide. Non. Bien plus volontiers, je m'adresserai à Sterne, et je lui dirai « Descends du ciel, ou monte vers moi des Champs-Élyséens, pour m'inspirer, en faveur des bons chiens, des pauvres chiens. » Un chant digne de toi, sentimental farceur, farceur incomparable. Reviens à Califourchon sur ce fameux âne qui t'accompagne toujours dans la mémoire de la postérité. Et surtout que cet âne, n'oublie pas de porter, délicatement suspendu entre ses lèvres, son immortel macaron. Arrière la muse académique, je n'ai que faire de cette vieille bégueule. J'invoque la muse familière, la citadine, la vivante, pour qu'elle m'aide à chanter les bons chiens, les pauvres chiens, les chiens crottés. C'est cela que chacun écarte, comme pestiféré fouilleux, excepté le pauvre, dont ils sont les associés, et le poète, qui les regarde d'un œil fraternel. Fille du chien bellâtre, de ce fat quadrupède, danois, King Charles, Carlin ou Gredin, si enchanté de lui-même, qu'il s'élance indiscrètement dans les jambes ou sur les genoux du visiteur, comme s'il était sûr de plaire. Turbulent comme un enfant, sot comme une lorette, quelquefois hargneux et insolent comme un domestique. Fils surtout de ces serpents à quatre pattes, frissonnants et désœuvrés, qu'on nomme levrettes, et qui ne logent même pas dans leur museau pointu assez de flair pour suivre la piste d'un ami, ni dans leur tête aplatie assez d'intelligence pour jouer au domino. À la niche, tous ces fatigants parasites, qu'ils retournent à leur niche soyeuse et capitonnée.